Grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Monteverdi et les Vêpres. Bonjour et bienvenue dans Grand Compositeur. Monteverdi est à l'honneur en 2010, 400 ans après la création des Vêpres. Deus in adiutorium meum intende. C'est la même musique, mais ça n'a rien à voir. Deux ambiances, deux ouvertures. Pour commencer, le dominé Ad Adiuvandum des Vêpres de la Vierge, de Claudio Monteverdi, et du même Monteverdi, trois ans plus tôt, en 1607, la fameuse toccata qui ouvre son opéra, l'Orfeo, enfin sa fable en musique, hein, exactement. Nous sommes Ici, entre l'église et l'opéra, avec la vocalita, avec les splendeurs d'un lieu, d'un côté le palais du duc de Mantoue pour la création de l'Orfeo, de l'autre côté les ors de Saint-Marc, est-ce si sûr, on n'est pas tout à fait certain que ce soit là que furent créées les vêpres de la Vierge. Peut-être l'ont-elles été justement dans le palais du duc de Mantoue ou ailleurs. Tant de questions nous restent. La reconnaissance musicale et sociale de Monteverdi vient des vêpres de la Vierge, vraiment. C'est là qu'il acquiert un statut particulier et c'est grâce à cela qu'il devient le maître de chapelle de Saint-Marc de Venise, et ce pendant une trentaine d'années. Autrement dit, c'est à partir de ce moment-là qu'il va être un des personnages les plus importants de Venise et de l'Italie. Lors des cortèges officiels, il était quand même en cinquième place, Claudio Monteverdi. Alors, nous parlerons de Monteverdi et nous entendrons beaucoup de Monteverdi toute la semaine. Demain, nous serons sur la voie de la foi de Monteverdi. Nous serons sur les pas d'Orphée mercredi. Jeudi, nous entendrons les Vêpres mariales. Et j'ai choisi la version que vous venez d'entendre, d'ailleurs, celle dirigée par Rinaldo Alessandrini. Dans les deux cas, hein, c'était lui. Il a enregistré les deux œuvres, à quelques mois d'intervalle. Pourquoi ai-je choisi de vous faire entendre jeudi Alessandrini? Je crois ça s'explique. Vous l'écoutiez, il est magnifique, il est volubile, il est lumineux, il est italien. Et puis nous évoquerons vendredi d'autres chants à Marie, d'autres vêpres qui ont suivi ou juste précédé les vêpres de Monteverdi. Alors aujourd'hui, où sommes-nous? Justement à Venise, à la porte de l'Orient. Come si fa? Mais Chioccado. Alors, nous sommes ici avec une soprano, une guitare, une harpe, un violoncelle. Nous sommes avec la voix de Maria Cristina Kier, le concerto Suave, enfin, ses membres du moins, et Jean-Marc Hems. Nous étions du côté d'un Monteverdi que l'on connaît, qui est un Monteverdi assez, oh, je dirais assez célèbre, hein, finalement. Mais pourtant, si je vous entraîne du côté de Venise, porte de l'Orient, se pose tout de suite la question de l'interprétation. Ce que nous entendions, c'était ceci. « Pauvre de moi, je tombe, je trébuche encore, comme je l'ai déjà fait, et cette espérance flétrie, ruinée, il me faut à nouveau l'effacer maintenant, avec des larmes fraîches. » Des larmes ? Mais quelles larmes ? Ancora il tempo come prima. Oimè, chi lo cado, oimè, chi inciampo ancora il tempo come prima. E la sfiorita mia caduta spime, pur di nuovo rigar col fresco lacrimar, or mi conviene. Un servo il tuo, un vezzoso mirar, soglio non rinegarlo. sempre bella virtù, giusta pietà. Occhi belli, se fu sempre bella virtù, giusta pietà. E voi non mi negate il buon riso che mi sia la prigione per si bella cagione. Il paradiso deux visions, là aussi, deux mondes de la même œuvre. Oime Kyokado de Claudio Monteverdi, mais cette fois avec Philippe Jaroussky, l'arpeggiata dirigée du théorbe par Christina Pluart, qu'écrivait Monteverdi. La musique ne s'attache pas seulement à souligner les intentions du texte, elle doit lire plus avant. Alors, c'est comme cela qu'il compose, Monteverdi, mais c'est aussi comme cela qu'on peut l'interpréter. C'est le cas de ce que nous venons d'entendre, qui pose bien le problème. Je ne sais pas si on peut swinguer sur Monteverdi, si on peut avoir comme cela ses rythmes de jazz, pourquoi pas. Mais en fait, au temps de Monteverdi, il s'agissait d'autre chose, de Venise et de l'Orient, des vertiges du sacré. Remarquez, si je dis cela, c'est parce qu'il va y avoir un concert au Festival de Pontoise le 15 octobre prochain, avec justement Maria Christina Kir, que nous écoutions tout à l'heure, et puis le concerto Soave, et il propose de mettre en parallèle la musique sacrée italienne et le chant arabe. Les vertiges du sacré, Venise et l'Orient. Venise porte de l'Orient, justement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez passionnant dans ce qui se passe en ce moment. Et la programmation, que ce soit au Festival de Pontoise ou au Festival d'Ambronay, reflète bien tout cela. Il y a ce parallèle, cette mise en miroir des musiques italiennes sacrées du temps de Monteverdi et des chants arabes, ou bien des chants turcs. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que face à Venise, il y avait la puissance ottomane. Thank you. Gece bir dilsizin ağzı gibi sessiz ve karanlıktı. Ne gökyüzünde bir yıldız ışıldıyor, ne bahçeden cırcır böceklerinin sesi geliyor, ne de güller kokularını yayıyorlardı. Uykusunun en derin anında, karşısında beliren gölgeler yüzünden Sultan Süleyman huzursuz uyuyordu. Gölgeler yaklaşıyor, tehdit ediyor, korkutuyor, kabus gördürüyordu. Biraz daha yaklaştıklarında kendisini ürküten gölgelerin heybetli yeleleriyle dişlerini göstererek kükreyen iki dehşet verici aslan olduklarını fark etti. Tam üzerine saldıracakları an, göz kamaştırıcı bir nur içinde Hazreti Muhammed önlerine çıkarak aslanları durdurdu ve Sultan Süleyman'a dönüp, "Sen şu anda bu aslanların önünde ne kadar savunmasızsan, Kudüs şehri de o kadar savunmasız. Bu şehri koru. Surlarını ve kulelerini yeniden inşa ettir," dedi. Uykusundan sıçrayıp uyanan Sultan Süleyman hemen duvarların tekrar yapılmasını, özellikle de ağır, parlak beyaz taşlardan kuleler, mazgallar ve 7 adet kapı inşa edilmesini, kapılardan birinin üstüne önce gördüğü kabusun, şimdi ise şehrin savunma sembolü olan aslan heykellerinin oyulmasını buyurdu. Sonra uykusuna geri döndü. Gül kokuları yeniden etrafı sarmaya başlamıştı. Jordi Savall, Hesperion 21 et quelques autres musiciens. Vous l'avez compris, puisque nous sommes ici sur France Musique, de l'autre côté de Venise, de l'autre côté du lac italien, de la Méditerranée, lac italien, comme on l'appelait, du côté de l'Italie et de l'Europe occidentale chrétienne. De l'autre côté, les musiques sont autres, évidemment. La culture n'est pas franchement la même. Et nous écoutions ici quelques musiques extraites de ce disque, enfin, je devrais dire, ce double disque livre signé Jordi Savall chez Aliavox qui est paru, qui s'appelle Jérusalem et qui nous emmène pas à pas du côté des musiques de Jérusalem au cours des siècles, ici du côté ottoman. Donc Venise à ce moment-là, au moment, je dirais, de Monteverdi, était peut-être en son déclin, mais c'était quand même avant tout une Venise de fêtes, de plaisir, de richesse, de mécènes, de musique et d'ouverture au monde. Monteverdi y arrive en 1613, à 46 ans, et il y passe les 30 dernières années de sa vie. Quando i sassi ai miei lamenti risponde a tappi pietosi, vi ricorda boschi ombrosi, vi ricorda boschi ombrosi. Dite allora non vi sembrai, dite allora non vi sembrai. Ogni altro sconsolato, con fortuna stil cantato, e t'avvolto in festa i guai. Dite allora non vi sembrai, pur ogni altro sconsolato. Giovisco i quegli affanni e sofferti o per tant'anni fan più caro il ben presente. Vissi già me spedo lente, vissi già me spedo lente. Vi è più contento, dopo il mal vi è più felice, sol per te ne vi dice, sol per te ne vi dice. L'Orfeo de Monteverdi, j'ai choisi cette version après la musique que nous entendions. Vous l'avez sans doute compris parce que c'est une version qui regarde bien du côté de l'Orient, je trouve, avec des rythmes profondément italiens, mais en même temps, il y a quelques percussions, enfin, vous m'avez compris. L'ensemble s'appelle Lauten Compagnie, dirigé par Wolfgang Kutschner, et c'est Kobi van Rensburg qui interprète cet air de l'Orfeo de Claudio Monteverdi, faisant penser aux splendeurs d'une Venise très ouverte. Hein. Et puis, on peut se souvenir que Venise fête ses noces avec la mer tous les ans, avec une grande cérémonie annuelle, le doge sur la lagune, dans ce magnifique vaisseau, le doge qui symboliquement jette l'anneau d'or pour rappeler tous les ans et refaire tous les ans ce chemin des noces avec la mer. Une cérémonie aussi qui est celle du couronnement à Saint-Marc de Venise, le couronnement du doge. Et là, c'est un autre rite spécifique. À l'issue du vote, il y a les sonneries de cloche qui annoncent l'élection du nouveau doge. Et puis, avant d'être couronné dans la cour du palais des doges, il y avait l'entrée du nouveau doge dans la basilique. Ces cérémonies qui se déroulaient en présence du clergé, mais ne pouvaient pas bien sûr se substituer à la messe du couronnement célébrée le lendemain matin à la basilique. En fait, tout cela fait penser à ce qu'écrivait Nietzsche. Quand je cherche un synonyme de musique, je ne trouve jamais que le nom de Venise. Nous sommes à Venise, nous sommes décidément à Venise. Ici, c'était l'œuvre de Salamone Rossi, Sonata a Quattro et Sopral la Bergamasca. Nous sommes en 1622 avec cette œuvre. Et auparavant, c'était deux œuvres de Giovanni Bassano et d'Augustine Bassano. Cercata, Pavane, Diminution. Pourquoi ai-je choisi ces musiques et ces musiciens? Le musicien que vous entendiez, flûte à bec et cornet à bouquin, c'était Matthew Jenjohn, avec l'ensemble de la bande Montréal Baroque, dirigée par Eric Mainz, un disque consacré au marchand de Venise, qui est paru assez récemment chez Atma, une marque de disque québécoise, vous l'avez sans doute compris. Alors pourquoi ce choix? D'abord peut-être par Giovanni Bassano. Bassano qui était un cornettiste, un virtuose, pas seulement un compositeur, mais un instrumentiste absolument extraordinaire, et qui travaillait justement à la chapelle Saint-Marc, à la basilique Saint-Marc. Il y avait une place de choix, et sans doute qu'il a laissé quelques élèves, et sans doute que les musiques que nous venons d'entendre, avec sa virtuosité, avec aussi, je dirais, les ornementations que l'on trouve, venaient directement de Giovanni Bassano. Monteverdi s'en est souvenu quant à lui. Et puis l'autre raison, en dehors du plaisir musical et du pur plaisir, il y avait cette œuvre entendue à l'instant, Salamone et Rossi. Ça me fait penser à Shakespeare. Pourquoi? Le rapport. Le marchand de Venise de Shakespeare, ça date de la fin du XVIe siècle. Et dans Le marchand de Venise, on sait qu'il y a un certain Sherlock, un marchand juif. Salomone Rossi a pour nom hébraïque Meha Hadumim. En fait, voilà, cela rappelle, cela symbolise que Venise est un endroit ouvert non seulement vers l'Orient, vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, vers d'autres cultures ou d'autres religions. Venise, certes, lieu de pouvoir, mais pas seulement. Non ancora recato al mondo il dì che del suo albergo fuora una donzella uscì, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. Sul pallidetto volto scorgeasi il suo dolor, spesso gli venia sciolto un gran sospiro dal cuore, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. Si calpestando i fiori errava or qua or là e i suoi perduti amori così piangendo va, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. Amor diceva il lie, mirando il ciel fermò, dov'è la fe che il traditor giurò, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. Il ciglio più sereno colei che il mio non è, già non gli alberga in seno amor si nobil fin, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. Fa che ritorni mio amor come il cuor fu, o tu mancini ch'io non mi tormenti più, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. Mai più dolci baci da quella bocca avrà, né più soavi attaci, taci che troppo il son, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. Poiché di lui mi strucco, dove stima non fa, che sì col fungo che ancor mi pregherà, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. Si tra sdegnosi pianti sfogava il suo dolor, si de gentili amanti misto e col gelo amor, miserella e più, ma no, tanto gel soffrir non può. No. non aveva febo ancora. Antonio Brunelli, interprété par Furio Zanassi, le baryton, avec au violon François Fernandez, et l'ensemble La Chimera, dirigé par Eduardo Eguez. Vous écoutiez ici sur des paroles d'Ottavio Rinuccini, que connaît bien Monteverdi à l'époque, une œuvre, une poésie qui date de 1622. Antonio Brunelli qui ici faisait chanter Phébus. Phébus n'avait pas encore rendu le jour au monde lorsqu'une demoiselle sortit de sa propre maison. Vous avez sans doute deviné la suite. On y parle d'amour. Je le disais, Venise n'est pas seulement un lieu de pouvoir. Venise, c'est le port des marchands aussi. Venise, nous l'évoquions tout à l'heure avec le songe de Soliman le Magnifique, la conquête ottomane de Jérusalem, donc au début du XVIe siècle. Venise s'ouvre très largement sur la mer Méditerranée. Il me paraît vraiment impossible que Monteverdi n'ait pas entendu des sonorités musicales comme celle-ci. المسجد c'est encore une idée de Jordi Savall d'Espérion 21, de ces musiciens qui ne sont pas tous européens, vous l'entendez, pour cette improvisation, cette sourate du Coran et cet anonyme ottoman sur la danse du Soma, en parallèle, en miroir, avec ce que l'on peut entendre à Venise en 1641. Cette musique-là? Non, plutôt celle-ci, signée Monteverdi. Thank you. C'est vrai, nous aurions pu maintenant entendre sur France Musique le bruit des rames, quelques gondoliers sur la lagune à Venise. Nous sommes vénitiens à l'instant avec cette sonate pastorale à quattro signée Francesco Fiamengo. Et auparavant, avec cette alternance que nous entendions hein, de musique vocale et de musique instrumentale, pour commencer un étonnant Claudio Monteverdi avec la modernité du chant et de la déclamation mêlée, Jesu Redemptor Omnium par John Elwes, le ténor, et ensuite de Giuseppe Scarani, une sonate Sopralucis Creator Optime, suivie de Tarquinio Merula, interprétée par Maria Cristina Kir, que nous retrouvions. Jesu Dulcis Memoria, l'ensemble La Fenice, dirigé du cornet par Jean Tuberi, cornet à bouquin pour ses musiques vénitiennes, c'est absolument logique. Venise était le lieu, certes, de la modernité, de certains instruments particulièrement fétiches, et je pense justement au cornet à bouquin, que ce soit à Saint-Marc de Venise ou dans d'autres églises. Mais on ne peut pas ne pas se souvenir que si Venise est une porte vers l'Orient, elle regarde aussi au-delà de l'Empire ottoman. Nous l'entendions tout à l'heure, cet Empire ottoman en musique. Au-delà, c'est-à-dire de l'autre côté du pont, vous savez, le pont Tocsin, enfin, on pourrait dire le Bosphore, hein, c'est vrai. Au-delà, c'est sur la trace d'un Marco Polo ou d'un Saint François Xavier. Au-delà, c'est regarder du côté des Indes. Signora del mondo, princesa de si haste tal hijo en buena hora parida. Thank you. Thank you. Thank you. syncrétisme musical, évidemment. Villancico Signora del Mundo, entendu tout à l'heure par Montserrat Figuera, c'est ici arrangé avec, à la manière raga, disons. Auparavant, c'était au Gloriosa Domina, et un raga sur O Gloriosa Domina, justement, avec les membres, je dirais, à effectif variable, hein, d'Espérion 21 et Jordi Savall. Au tabla, il y avait Prabou, Edouard notamment. Syncrétisme musical, oui, à chacun sa virtuosité dans l'imaginaire vénitien, Monteverdi ou bien la Porte de l'Orient, ou tout simplement la virtuosité instrumentale. Thank you. La sonate, publiée en 1641, est signée Giovanni Battista Fontana. Il était mort depuis quelque temps, il était mort en 1630, au moment de l'épidémie terrible de la peste. Fontana, on le surnommait Il Violino. Il était tellement, je dirais, virtuose au violon, qu'il était célébrissime à Venise, où il est passé, mais pas seulement. C'était Maurice Steger, non pas au violon, vous l'avez compris, mais à la flûte et avec son ensemble. C'est vrai qu'il y a ici adaptation d'un instrument à un autre pour une même œuvre. C'est ce qui se faisait régulièrement à l'époque du temps de Monteverdi, que nous retrouverons demain. Changement d'instrument, changement de monde aussi parfois, changement de mode. Thank you. Non, évidemment, ce n'était pas du Monteverdi, mais un Ave Maria en mode pentatonique, Hespérion 21, Jordi Savall, l'extrait de ce coffret magnifique livre-disque qui s'appelle La Route de l'Orient, consacré à François-Xavier, qui est resté en Orient en 1553, et pour cause. Mais beaucoup plus tard, au XVIe siècle, les portes de Venise s'ouvraient toujours vers l'Orient. Nous en reparlerons demain, ou plus exactement demain, nous serons réellement avec Monteverdi et quelques autres autour de ses vêpres.